Nous avons la puissance de Dieu en nous et nous pouvons tous tenir ferme si nous sommes déterminés à le faire. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présente l'enseignement de Charles Stanley. Aujourd'hui, Charles Stanley nous rappelle que tous les croyants ont un ennemi en commun. La Bible lui donne de nombreux noms. Séducteur, père du mensonge, père des ténèbres et Satan. Nous devons sans cesse repousser les attaques de cet ennemi rusé. Peut-on résister à l'ennemi de notre âme? Êtes-vous préparé pour livrer des combats quotidiens? Aujourd'hui, Charles Stanley nous prépare afin que nous soyons victorieux. La préparation pour le combat consiste à prendre et à bien utiliser les armes de Dieu, à connaître notre ennemi et à bien comprendre notre position défensive et notre position offensive en Jésus. Demeurez à l'écoute de En Contact alors que Charles Stanley va nous présenter le plan de bataille pour remporter la victoire. Notre combat est réel et nous avons tous subi suffisamment de défaites pour nous rendre compte que nous sommes vraiment en guerre. Puisque la guerre n'est pas un jeu ou le fruit de notre imagination, nous devons posséder de véritables armes et une véritable armure. Lorsque Paul nous dit de nous revêtir de toutes les armes de Dieu, il le pense réellement. Il faut nous revêtir de toute l'armure de Dieu. Quand devons-nous donc nous revêtir de notre armure? En nous levant le matin. N'attendez pas d'être en route vers le travail ou d'être au travail. Revêtez-vous de votre armure le matin avant de vous lever. Alors que vous êtes encore étendu dans votre lit, vous pouvez vous revêtir de votre armure une pièce à la fois. Comment pouvons-nous nous revêtir d'une armure qui n'est pas faite de matière palpable? Comme nous obtenons toute autre bénédiction spirituelle, par la foi. Il n'y a qu'un moyen, la foi. Examinons maintenant ces armes. Notez bien l'importance de chaque pièce de l'armure. Paul n'a pas dit de choisir quelques pièces de l'armure, il a dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Éphésiens chapitre 6, verset 11. Paul nous demande de nous revêtir de toute l'armure. Comment ferez-vous pour vous revêtir de votre armure en vous levant demain matin? Passons en revue les armes dont nous avons parlé lors de la dernière émission. Débutons par le casque du salut. Prenez aussi le casque du salut, Éphésiens chapitre 6, verset 17. Vous mettez le casque du salut en faisant ce genre de prière. « Seigneur, je choisis de mettre le casque de salut afin de protéger mes pensées. Je veux que mes pensées soient tes pensées, Seigneur. Je veux penser à des choses qui te plaisent. Je veux penser à des choses qui correspondent à la personne que je suis en toi. Je ne veux pas que des pensées qui me conduiraient à pécher contre toi mijotent dans mon esprit. » Je veux penser bibliquement en pensant à qui je suis en Jésus. Je veux des pensées bibliques à ton sujet. Je veux des pensées bibliques au sujet des autres. Je ne veux pas être tenté. Je veux te remercier pour ta protection lorsque Satan essaiera de semer des mauvaises pensées dans mon esprit. Rappelez-vous que votre esprit est toujours le champ de bataille. Il n'est pas là où vous posez le pied ou ne concerne pas ce que vous touchez. C'est dans votre esprit que Satan cherche à mettre le pied dans la porte et à établir des forteresses. Si Satan peut nous inspirer des pensées fausses et nous amener à croire un de ses mensonges, alors il nous tient. Je dois donc mettre le casque du salut en premier. Deuxièmement, il faut mettre la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Éphésiens 6, verset 14. Dites dans votre prière, « Seigneur, je te remercie de pouvoir mettre la cuirasse de la justice pour protéger mes émotions et mes sentiments. Seigneur, je veux ressentir seulement ce que tu ressens. » La Bible nous dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbe 4, verset 23. Poursuivez votre prière en disant, « Seigneur, ne me laisse pas réagir émotionnellement. Permets que je réagisse selon qui je suis en toi. » Selon ce que je sais être vrai et selon ma relation avec toi. Seigneur, ne me laisse pas réagir selon mes émotions. Seigneur, je te remercie de me donner la cuirasse de ta justice pour me protéger au cours de la journée.

Lorsque les soldats de l'infanterie partent au combat, ils sont placés à un endroit qu'ils doivent défendre ou duquel ils attaqueront les lignes ennemies. Lorsque nous nous revêtons de notre armure et que nous prenons nos armes, nous sommes en position. Peut-être vous demandez-vous quelle est cette position. En fait, la réponse à cette question est le thème de l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes en Christ. Voilà notre position spirituelle. En effet, lorsque nous avons été sauvés, la Bible nous apprend que Dieu le Père nous a placés en Jésus-Christ comme une branche est entrée au cep de la vigne. Nous faisons partie de la vigne. La sève qui circule dans le cep est la même qui circule dans les branches. Le Saint-Esprit qui était en Christ est maintenant en vous. Il fait partie de votre vie et vous formez un avec lui. Nous sommes en lui et il est en nous. Nous et lui ne faisons plus qu'un. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. L'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 5. Jésus n'aurait pas pu choisir une meilleure illustration pour décrire l'unité entre lui et le croyant que cette image d'une branche greffée à la vigne. Les deux ne deviennent plus qu'un, et la sève de la vigne circule dans la branche et dans les grappes pour produire du fruit. Nous sommes un en Jésus-Christ. C'est notre position spirituelle. Parce que nous sommes greffés à Dieu et qu'il est en nous, nous sommes en sécurité pour l'éternité. Paul dit « Prenez votre position ». Le verset 10 nous indique de quelle position parle Paul. Il s'agit de notre position en Jésus-Christ, et de cette position, nous pouvons manifester notre puissance. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Éphésiens 6, verset 10. D'où vient notre puissance? Elle vient du Seigneur. Lorsque Paul nous demande de nous fortifier dans le Seigneur, il nous fait réaliser que nous devons dépendre uniquement de lui. Paul nous encourage à tenir ferme. Nous devons prendre une position et la tenir. Lorsqu'il nous dit de résister dans les mauvais jours, il ne nous suggère pas de penser à fuir, à nous échapper, à céder ou à nous rendre. Non, il déclare « Tenez ferme, car votre force est dans le Seigneur Jésus ». C'est du Seigneur que nous devons dépendre lorsque nous faisons face aux forces démoniaques qui nous attaquent de tous les côtés. Ne nous fions pas à nos habiletés ou à nos forces. Nous dépendons de la force que nous donne le Seigneur Jésus lorsque nous sommes en lui. Le Seigneur Jésus habite en nous et il libère en nous sa puissance surnaturelle, la même qui l'a ressuscité. Écoutez bien ceci. La puissance qui a ressuscité le Seigneur Jésus d'entre les morts est la même puissance qui nous ressuscitera et la même qui habite en nous actuellement. Cette puissance nous permet de faire face à n'importe quel ennemi et de le vaincre, car c'est avec la puissance de Christ que nous l'affrontons. C'est pour cette raison que Paul nous conseille de ne pas dépendre de l'armure dont nous sommes revêtus. Il nous dit de nous fortifier dans le Seigneur et grâce à sa force toute puissante. Revoyons ce que dit le verset 11. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Paul nous avertit et nous demande de résister au diable qui emploie plusieurs tactiques. Certaines personnes font une lecture passive de ce texte. Elles affirment que Paul ne nous dit pas d'attaquer, mais simplement de dire au diable, « Viens, voyons ce que tu peux faire. Nous allons nous tenir sans rien faire, car tu ne peux pas nous faire de mal. Dieu nous protège. » Cette interprétation est une erreur. Ce texte n'est pas un sens passif. Lorsque Paul nous demande de tenir ferme, il ne nous dit pas de simplement regarder le diable agir. Paul nous demande de tenir ferme alors que nous vaquons à nos occupations quotidiennes. Dieu nous a donné une vocation et un travail, il nous a permis de nous instruire et il nous a donné un foyer. Dans quel but a-t-il fait tout cela? C'est pour que nous soyons ses témoins, que nous le servions et que nous annoncions sa parole. De plus, il sait que lorsque nous nous levons le matin, c'est pour nous rendre sur un champ de bataille. Satan y sera aussi avec son armée de démons, et il désire une chose, nous anéantir. Ainsi, lorsque nous parlons de tenir ferme, nous ne parlons pas d'une activité passive, et d'une attitude qui consiste à demeurer passif et à laisser Dieu agir. Permettez-moi de vous dire une chose, mes amis. Dieu ne va pas accomplir une tâche qu'il m'a confiée. Il ne va pas témoigner à ma place. Il n'enseignera pas à ma place. Nous sommes ses instruments pour témoigner, pour enseigner, pour prêcher et pour exhorter. Il ne le fera pas à notre place. L'idée de tenir ferme ne signifie pas que nous devons demeurer inactifs et regarder Dieu tout faire. Le royaume de Dieu et le royaume de Satan sont en guerre l'un contre l'autre, et un jour le royaume de Satan sera entièrement anéanti. D'ici là, nous sommes au milieu de cette guerre. Chaque jour, nous rencontrons des adversaires qui proviennent de partout. Paul nous dit de tenir ferme. Il nous ordonne de ne pas nous enfuir, de ne pas quitter le champ de bataille, de ne pas cesser de combattre et de ne pas démissionner en prétextant que nous sommes éreintés. C'est vrai que le combat est trop rude pour nous, et c'est pour cette raison que Paul dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Éphésiens 6, verset 11. Chaque matin, nous devons nous revêtir de notre armure et prendre nos armes. Un soldat qui, sur le champ de bataille, fait face à un char d'assaut ennemi qui pointe son canon sur lui, il peut dire « Il n'y a rien à faire contre un tel adversaire. » Ce n'est pas vrai. S'il prend l'arme appropriée, il n'a qu'à bien viser et il peut détruire le char d'assaut. Mes amis, savez-vous comment enlever votre armure? C'est facile. Si vous êtes devant un adversaire, dites-vous « Je suis faible et épuisé. Je serai vaincu aujourd'hui. » Ce n'est pas plus difficile que cela d'enlever son armure. Vous seriez étonné de voir comment votre propre langue profite à l'ennemi. Si vous dites qu'une tentation est trop forte pour vous, vous venez d'envoyer un message à Satan. Celui-ci ne peut pas lire vos pensées, mais il entend ce que nous disons. Nous devons réfléchir avant de parler. Nous devons choisir nos mots avec prudence. Le champ de bataille est rempli de chrétiens blessés et qui ont été touchés parce qu'ils ne savent pas faire face à la vie et qu'ils ne savent pas maîtriser leurs émotions. Ils ne savent pas comment réagir devant l'ennemi. Parfois, nous disons que notre problème est psychologique ou physique. Votre problème est peut-être psychologique, mais il a débuté par un problème spirituel. Je ne dis pas que tous les problèmes psychologiques ou physiques ont une cause spirituelle, mais c'est souvent le cas. Lorsque nous vivons dans le péché et la désobéissance, cela nous épuise et nous devons en subir les conséquences. C'est aussi pour cette raison que Paul nous dit de tenir ferme. Si Satan sait que quelque chose de bien est sur le point d'arriver, il va intensifier le combat. Il va exercer plus de pression sur nous. Il va multiplier ses attaques et nous harceler. Une attaque satanique est une attaque intense lancée par Satan et ses démons. Cette attaque vise un point faible au sujet duquel nous éprouvons beaucoup de difficultés à lui résister. Paul dit que nous devons lui résister par la foi. Paul nous dit de demeurer ferme et de tenir notre position. Nous sommes en Jésus-Christ, et personne ne peut nous toucher sans la permission du Seigneur Jésus. Personne ne peut mettre la main sur nous sans l'autorisation de Dieu. Rappelez-vous des paroles de l'apôtre Paul. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 13. Que dit Paul exactement? Quel est ce mauvais jour? C'est un jour où la bataille devient intense. Un jour où nous pensons que nous ne pouvons plus résister, où nous n'en pouvons plus. Mais Paul nous encourage à tenir ferme. Comment pouvons-nous obéir à cette exhortation? nous devons nous tenir sur le rocher qui est Jésus-Christ. Nous devons tenir par la foi en Dieu. Nous ne devons pas nous concentrer sur les circonstances ni suivre nos émotions. Nous devons nous rappeler qui nous sommes en Christ, des enfants de Dieu scellés par le Saint-Esprit et enregistrés dans le livre de vie de l'agneau. L'Esprit de Dieu travaille en nous et Jésus-Christ habite en nous. Nous avons la puissance divine en nous et nous pouvons tous tenir ferme si nous choisissons de le faire. Nous ne sommes pas forcés de céder à Satan. Le faire, c'est croire les mensonges de Satan. C'est être trompé par l'ennemi. Satan nous dit que nous ne pouvons rien faire. Il nous donnera mille raisons pour nous décourager et nous faire baisser les bras ou renoncer à un projet. Il ne faut jamais oublier de qui proviennent les pensées défaitistes, de Satan, soit de l'enfer. Elles ne sont certainement pas provoquées par Dieu. Comment Dieu pourrait-il nous dire de démissionner alors qu'il vit en nous et que nous avons sa puissance pour nous défendre et contre-attaquer? Cependant, si vous ne savez pas que vous êtes en guerre, que vous ne portez pas votre armure, que vous ne prenez pas vos armes et que vous ne prenez pas votre position d'enfant de Dieu, alors vous serez vaincu. C'est pour cette raison que je parle souvent de notre identité en Jésus. Comme nous croyons en lui et comme nous l'avons accepté comme notre sauveur personnel, nous sommes des enfants de Dieu. Avant notre conversion, nous étions des ennemis de Dieu, mais nous sommes devenus ses enfants. Nous sommes des co-héritiers du Seigneur Jésus et nous recevons les bénédictions qu'il a acquises pour nous. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Citation de Romains chapitre 8, les versets 16 et 17. Nous étions morts à cause de nos péchés, mais maintenant nous sommes vivants en Jésus-Christ. Parcourir le Nouveau Testament pour découvrir qui nous sommes en Jésus-Christ est un exercice profitable. De plus, n'oublions pas que c'est le Christ qui habite en nous. Il est notre Sauveur, notre Seigneur et notre vie. Jésus est suffisant pour satisfaire tous nos besoins, sans exception. La Bible dit que nous avons tout en lui. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Citation de Colossiens, chapitre 2, verset 10. Puisque nous avons tout en Jésus, le diable ne peut rien contre nous, à moins que Dieu ne lui permette de nous toucher. Le diable ne peut pas nous faire tomber, à moins que nous choisissions de collaborer avec lui. Lorsque vous vous rendrez au travail ou à l'école demain matin, ou quoi que ce soit que vous ferez, assurez-vous de vous revêtir de toutes les armes de Dieu. Je suis certain que lorsque nous quittons la maison le matin, nous nous habillons le mieux possible. Nous ne portons pas tous le même type de vêtements, mais là n'est pas la question. Comme nous nous habillons selon le temps et les circonstances, nous devons nous équiper pour le combat spirituel. Nous ne sommes pas prêts à sortir si nous ne nous sommes pas revêtus de toute l'armure de Dieu. Paul nous demande de la porter et de tenir ferme. En fait, je vous conseille fortement de vous revêtir de l'armure de Dieu par la foi avant de sortir du lit le matin. De même, exprimez votre accord avec la parole de Dieu. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es mon sauveur, mon Seigneur, ma vie et que j'ai tout pleinement en toi. Tu réponds à tous mes besoins. Je te loue pour qui tu es. Je te loue car je t'appartiens et que tu vis en moi. De plus, si Satan nous attaque par surprise et que nous portons la ceinture de vérité, nous savons que nous n'avons pas à accepter ses mensonges. Ce qu'il dit ou suggère ne correspond pas à ce que nous sommes en Jésus. Lorsque Satan sème une pensée dans notre esprit, nous pouvons nous dire « Cela ne correspond pas à qui je suis. Je suis un enfant de Dieu et cela ne sied pas à qui je suis. » De plus, cela ne peut pas transpercer le bouclier de la foi. Donc, je rejette cette pensée. Si vous faites cela, vous obtiendrez des victoires que vous n'aviez jusque-là jamais connues dans des domaines de votre vie. Combien de fois avez-vous cédé à la même tentation? Combien de fois avez-vous confessé le même péché? Si vous commencez à vous revêtir de l'armure de Dieu en vous levant le matin, voici ce qui se produira. Si vous êtes pressé un matin et que vous oubliez de l'enfiler, l'Esprit de Dieu vous le rappellera. Tu ne portes pas ton armure. Tu ne t'es pas habillé adéquatement. Tu as oublié ton armure. De plus, ne pensez pas que vous n'avez pas besoin de votre armure un matin. L'expérience m'a appris que porter cette armure fait toute une différence dans notre vie. Cela ne signifie pas que nous serons parfaits. Parfois, en priant, je dis au Seigneur, « Je crois avoir égaré mon casque, je ne le vois pas. » Personne n'est parfait. Nous commettons tous des erreurs. Nous chancelons tous et nous péchons tous. Cependant, prendre l'habitude de mettre notre armure le matin nous aide à partir du bon pied. Laisse-moi te poser cette question. Portes-tu présentement cette armure de Dieu, dont Paul nous encourage à porter? Charles Stanley nous a expliqué que nous devons être bien équipés et comprendre qui nous sommes en Jésus avant d'être victorieux contre Satan. Prenons donc l'habitude de nous revêtir de notre armure et de prendre les armes de Dieu en nous levant le matin. N'oublions jamais que, comme le dit Jean dans sa première épître, chapitre 4, verset 4, que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Un membre de notre équipe fait cela. Lorsqu'il est tenté en se levant le matin, il passe en revue la grandeur infinie de Dieu dans son esprit et il énumère toute la liste de ce qu'il a en Christ. Cela met habituellement fin aux pensées harcelantes. Lorsque vous devez faire face au diable dans un combat spirituel, suivez les instructions de Paul dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Cherchez-vous à mieux connaître Jésus-Christ, qui offre encore aujourd'hui son amour éternel à ceux qui viennent à lui? Les enseignements du Dr Stanley ont-ils suscité en vous des questions, mais vous ne savez pas où trouver des réponses? Radio Espoir est à votre écoute. Vous pouvez nous rejoindre en téléphonant au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou venez sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.